Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est parti pour l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche un peu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Fred ? Ah, oui. Convention, c'est ça. Alors voilà, disons plus généralement, on va peut-être. On va aborder un sujet qui fâche. Alors donc, quand je parle de sujet qui fâche, c'est-à-dire on va parler de politique. Pourquoi de politique ? Bah, parce que. On se rappelle que dans les années 70, on avait coutume de dire que tout est politique. Donc se brosser les dents, prendre sa voiture. Et on a peut-être un peu oublié ça. Et ce qui fait que finalement, on réinterroge peut-être plus assez nos façons de faire, certains de nos actes. Et il n'empêche que on interroge souvent aussi quand même certaines choses qui nous paraissent un peu décalées. Alors, quand on s'occupe de magasins gratuits, on s'aperçoit assez rapidement qu'une des questions que les personnes qui rentrent dedans posent très fréquemment, c'est « Alors, comment vous faites pour vous financer ?» Ça paraît quelque chose qui va de soi presque. Même souvent on nous pose la question comment vous faites pour vivre. Donc ça c'est vraiment la question bateau. Je suis toujours un peu déstabilisé même encore maintenant parce que je me dis mince mais oui comment je fais pour vivre. C'est je m'étais jamais vraiment posé la question finalement. Donc voilà déjà Fred, je sais pas toi qui as fait des maintenances à la gratuiterie de Limoux, est-ce qu'on te pose aussi la question Comment vit la gratuiterie ? Il y a une cagnotte. C'est ce que je dis aux gens. Vous pouvez mettre un don. Vous pouvez donner aussi, vous. Ouais. Et certains le font. Ils comprennent, oui. Ouais. C'est pas complètement incompréhensible. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi dans cette question, c'est que finalement, on va interroger la question du comment vous faites pour maintenir le magasin, le contenant, etc. Tandis qu'à la limite, la question du don, pourquoi on donne dans le magasin et tout ça, elle est rarement abordée. C'est quelque chose qui finalement semble presque aller de soi. Peut-être parce que ça s'inscrit déjà dans le contexte un peu d'une économie du don qui est déjà développée par ailleurs. Par contre, la question, la question du financement de ce genre de lieu est vraiment posée. Et en pratique, on peut vraiment se demander pourquoi, parce que concrètement, quand par exemple on veut installer une boîte à livres dans la rue, je pense que là on est proche du 0€ quasiment. Et donc c'est pas quelque chose qui va pourtant sembler aller de soi. Voilà, c'est. Alors on veut installer une boîte à livres ou une boîte à dons dans un village, on va commencer par faire une demande à la mairie, une demande de subvention, voilà, le mot est lâché. alors que voilà, on est sur quelque chose qui est potentiellement gratuit, presque. Enfin, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Qui coûte cher, voilà. Donc alors, moi la question que je pose, c'est pourquoi donc on va vraiment vouloir absolument recourir aux subventions. Est-ce que ça peut pas constituer, au lieu d'être facilitant hein, pour, euh, pour des actions autour de la gratuité, est-ce que ça peut pas, dans certains cas, constituer un frein ? Dans le sens où, finalement, on va même plus agir, on va plus prendre des initiatives tant que c'est pas subventionné. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut pas réfléchir là-dessus ? Est-ce que finalement, ce qui est pas problématique, dans le fond, ça serait la subvention en soi ? Donc, ouais. Ouais, je pense que ça peut s'appliquer à plein de domaines. Hein. Par exemple, un domaine qui est beaucoup subventionné, c'est l'agriculture. Oui. Et les agriculteurs se plaignent de ça, qu'ils aimeraient récolter les fruits de leur travail. Or, ce qu'ils récoltent, c'est des subventions. Bon, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ouais. Bon. Alors, ouais. Donc, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que finalement, est-ce que c'est légitime ? Voilà. Est-ce que la subvention en soi est légitime ? Est-ce que ça, c'est pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait aussi défendre le point de vue inverse ? Parce que alors, c'est quelque chose pareil dans la gratuité de Limoux. On a marqué en gros devant la façade qu'on est zéro subvention. Voilà. Donc. En quoi on peut trouver ça légitime, quoi ? Comme un label. Voilà, ouais. Tout à fait. Genre un label bio, le label sans subvention. Voilà. Qu'on vous encourage si vous pratiquez à mettre devant votre vitrine. Peut-être parce que donc qu'est-ce qui cloche, quoi, hein, dans la subvention ? Alors, moi, j'avais pensé pour aborder le sujet à faire comme je dis aux enfants voilà, alors tel mot c'est S comme alors donc par exemple S comme standardisation. Alors, en quoi la subvention peut conduire à la standardisation ? Bah, parce que ça, la subvention rend dépendant aux subventions. Et par la même... C'est une drogue à l'accoutumance. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, il va falloir s'aligner pour profiter des subventions, s'aligner sur une norme. Voilà. Si on part sur quelque chose de trop décalé, on peut bien souvent, on va dire adieu aux subventions. Alors, j'ai pensé aussi à S comme salariat, parce qu'on peut se demander par moment où est la limite. Voilà, on part sur l'idée, bon, ouais, on va chercher une subvention pour pouvoir être indépendant, et finalement, on se retrouve dans une situation qui est quasiment celle du salariat. Alors, oui. Salariat qui est une dépendance. Voilà, ouais. Salariat comme va salariat, vassal. Tout à fait. Patron, suzerain. Exactement, voilà. Et bah, dans l'idée que, voilà, alors... Évidemment, on peut faire la distinction entre ce qui serait une subvention inconditionnelle. Donc, on vous donne une aide inconditionnelle, alors, par exemple, à condition que ça soit offert à tout le monde aussi. Parce que si ça n'est offert qu'à une certaine catégorie de personnes ou d'associations, ça peut faire une mise en concurrence. D'où il peut résulter une forme de standardisation. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de dépendance, et de mise en concurrence. Alors voilà, j'avais aussi donc j'ai S, ça peut être aussi S pour aller plus loin. S comme serpent. Alors, on pourrait presque parler du serpent de la subvention. Pourquoi ? Parce que le serpent, c'est un peu bon. Alors déjà dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est la tentation. Donc on est dans le paradis originel où tout est gratuit, tout est libre à portée de main. Et c'est à partir du moment où on va commencer à croquer dans la pomme, donc un peu la pomme de la subvention, si on peut dire, qu'on va s'écarter de ce paradis originel. Donc il y a ça, il y a aussi cette idée que le serpent, donc ça va être ce qui se voit pas, ce qui se faufile. Et c'est un peu cette idée qu'on retrouve derrière la subvention aussi, c'est quelque chose qui est pas forcément dit, qui est toujours un peu tabou. Voilà, on sait pas finalement qu'est-ce qui est subventionné, qu'est-ce qui l'est pas, c'est souvent quelque chose. Il va falloir aller creuser en tout cas, hein, si on veut le dénicher. Donc il y a peut-être cette idée de maquiller un peu ce problème. Alors bon, on peut partir sur un point de vue un peu plus positif, c'est que on peut aussi se sevrer. Voilà, est-ce comme sevrage, hein. On peut tenter de se sevrer de la subvention. Comment faire? Bonne question. Bonne question, ouais. On s'est suspendu à tes paroles. Bah peut-être déjà, avant de se sevrer, c'est peut-être de ne pas rentrer dedans. Voilà, d'éviter de... Quand on est une petite association et qu'on veut entreprendre des actions, déjà commencer par essayer de voir s'il n'y a pas des alternatives à la subvention en soi. Déjà recourir... au volontariat ou à l'économie du don en général, et aussi bon, il y a la question qui peut se poser: est-ce qu'on va être plutôt favorable à la limite à la vente ou à la subvention? La vente, voilà. Est-ce que par exemple, bon voilà, on est une petite association, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend des cafés? Est-ce qu'on vend des trucs? Ou est-ce qu'on évite la vente ou la subvention? Bah, je sais pas. Ouais. Dans quelle mesure, où est la dépendance, quoi? Oui. L'indépendance, oui. On va... ouais, je pense que la vente, c'est quand même moins contraignant, quelque part. Bon, si on a toujours quelque chose à échanger, qui peut avoir toujours une valeur d'échange. Ouais, alors que dans ce cas-là, la subvention serait presque une forme d'hétéronomie où on devient dépendant vis-à-vis du financeur, quoi. Tandis que la vente permet toujours de prendre un certain recul. Voilà, un roulement dans le temps. Ouais. Maintenant, oui, toute la question, c'est jusqu'où on va aller dans le... dans la vente, quoi. Si je veux dire par là que si toute l'activité de l'association finit par être orientée vers la vente, finalement, on n'est plus dans l'indépendance. La ouais. Oui, ni dans la gratuité. Ni dans la gratuité, voilà. Donc voilà, bon alors, bon après, en pratique, quand on se dit, bon, on évite les subventions et on va partir sur des fonds personnels, par exemple, va se poser la question. Alors, moi, c'est une question qu'on m'a. Une remarque qu'on m'a souvent fait remarquer, c'est. Oui, mais c'est facile de faire ça, de faire un magasin gratuit si on a un local, voilà, si on a une maison. Donc, en quelque sorte, on met en question ma position de propriétaire, voilà, de privilégié. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est pas poser un faux problème? Parce que finalement, rien n'empêche, par exemple, si on est locataire, de proposer une partie de sa location, un espace pour... Tout à fait, c'est pas interdit, ouais. Voilà, ouais. Alors, ça peut être même du prêt d'affaires qu'on a chez soi. Enfin, il y a toute une gamme de possibilités qui s'offrent. Et j'ai envie de dire, même à la limite, pour quelqu'un qui est... admettons, quelqu'un qui n'a pas de logement... Bah, y a aussi la possibilité, quelque part, d'investir la rue. Pour, alors, bon, ce qui est intéressant à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est que les zones de gratuité, d'une manière générale, ont été initialement développées dans les squats. Ouais. Voilà. Le squat, logement gratuit... Oui, voilà. La récupération dans les marchés... des invendus. Voilà. Toutes, et donc, sortes, de, toutes sortes de récupérations. Voilà, et c'est, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toute cette économie, finalement, elle s'est développée à l'origine sans subvention. Voilà. Donc c'est là aujourd'hui, on est actuellement, du moins en ce qui concerne les espaces de gratuité, dans une phase qui pourrait presque être celle d'institutionnalisation. Voilà, on commence à avoir des mairies qui s'y intéressent, des organismes. Et donc, comment résister à cet appel à la subvention, quoi, hein. Comment aussi ne pas tomber dans cette logique et conserver un peu ce mouvement originel qui est celui de revenir à un échange spontané, simple. Mmh. Voilà, c'est peut-être tout. Enfin, à mon avis, c'est tout l'enjeu aujourd'hui qui va se poser, qui se pose et qui va se poser à l'avenir. Peut-être qu'on peut imaginer que d'ores et déjà qu'il va y avoir un schisme, hein, entre donc des espaces de gratuité informels et fondés en partie sur la propriété privée aussi, à savoir bon, en ce qui concerne le magasin gratuit de Puy Vert, par exemple, au début c'était un garage mis à disposition. Un garage privé, donc. Mmh. Mmh. Voilà, donc, bon, enfin, si je peux conclure, à moins que tu aies encore t'as quelque chose à dire, Fred. Oui, j'allais dire aussi une phrase de conclusion. Il faut savoir choisir ses chaînes, en fait. Voilà, bon, c'est pas très rigolo, mais... ouais, moi, j'étais un peu dans la même idée. En partant sur l'idée que c'est un casse-tête chinois, quoi, en gros. Là. Ouais, le fait c'est un parcours du combattant, voilà. La subvention, c'est un genre de hocher qu'on nous présente. Voilà. Bon. Qui n'est pas garanti, ouais. Il vaut mieux peut-être faire confiance plutôt à ses propres forces d'échange, on va dire, de dons. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, à mon avis. Enfin, yes. La subvention a un virage dans l'artificiel, mais le superflu, oui, on va dire. Mm. Bon, bah allez, on passe sur la pause et on va écouter donc un morceau qui s'appelle Casse-tête chinois, précisément. Et c'est reparti pour l'émission Entrée sans payer. Donc, on a parlé pendant la première émission donc la question des subventions. Et là, maintenant, on va... donc, on a invité Angie Gaudion. Donc, Angie, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bon, très bien. Bonjour. Qui est donc... Bonjour. Tu es co-directrice et chargée de relations publiques dans l'association Framasoft. Oui, c'est ça. Es-tu également la coordinatrice du projet Chaton ? Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. D'accord. Alors, Donc, est-ce que tu peux nous, nous présenter rapidement Framasoft, nous expliquer ce que c'est les objets de l'association, les objectifs. Oui, ouais, tout à fait. Mmh. Donc Framasoft, donc, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. À la base, du coup, c'était plutôt une asso qui se dédiait à la promotion du libre, donc à savoir les logiciels libres, mais aussi tous les aspects de la culture libre. Et depuis quelques années, il y a eu une évolution ou une ouverture un peu plus large. L'association s'est donc ouvert, on va dire, à proposer davantage de dispositifs pour permettre aux internautes de prendre conscience des problématiques liées du coup aux usages numériques, oui. Et en particulier à l'usage de services numériques privateurs. Donc il y a toujours un lien avec le logiciel libre, hein, c'est pas mis de côté, mais du coup il y a cette notion d'éducation populaire qui est très forte. Peut-être pour vous donner une idée en fait sur ce qu'on fait, on est du coup 35 membres dont 10 salariés, donc on a une toute petite structure, oui. Et on propose aujourd'hui une trentaine de services web donc éthiques. Mm-hmm. Qui se répartit sur 53 serveurs, ah oui, quand même. Environ 1 million de visiteurs uniques tous les mois. Et on est à environ 400 000 euros de budget, enfin c'était le budget 2019 en tout cas, voilà, qui du coup est à 98% financé par les dons des internautes. Voilà. Et donc là en 2020, enfin récemment, à la date d'aujourd'hui, on est à 12 000 donateurs et donatrices du coup pour l'association. Alors précisément, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on vient d'aborder la question des subventions dans la première émission dans la première partie de l'émission, pardon. Bon, est-ce que ça a été un choix délibéré de votre part de rester sur ce modèle de financement par le don? Oui, complètement. Oui. Oui, du coup, alors après, c'est Framasoft prône un certain nombre de valeurs et dans l'objectif de faire commun, en fait, il nous semblait très très important de ne pas rentrer dans le système des subventions publiques ou même des subventions privées, enfin des fonds privés en tout cas, des fondations, ouais. Pour avoir une totale autonomie en fait sur notre action. Donc ça c'était un vrai choix et le modèle du don est pour nous le modèle le plus honnête, du coup qu'on peut proposer en fait, c'est-à-dire que ça permet aussi un équilibrage entre les personnes qui ont le plus de richesses pour du coup les personnes qui en ont le moins. Donc l'idée c'est que tous nos services sont en accès libre et gratuit, tous nos dispositifs sont en accès libre et gratuit et contribuent à ce que ces services et ces dispositifs fonctionnent que celles et ceux qui en ont les moyens, mais l'idée c'est pas de priver ceux qui n'en ont pas les moyens. Alors, donc l'appel aux dons est un élément où on fait un travail d'explicitation en fait sur le fait que effectivement ce que fait l'association tous les ans repose quasi exclusivement là-dessus. Oui. Que c'est donc votre le jour où on a plus source, de dons, c'est vraiment 98,2% en 2019 de notre financement. Je pensais aussi à, il me semble que vous vendez par contre des framaqués, hein, c'est ça. Non, mais ça on fait plus du tout depuis des années. Ah, vous faites plus. Non, les clés USB c'est un peu has-been. Oui. Voilà. Donc les Framaqui étaient du coup un des services qu'on proposait, donc qui était du coup une clé USB sur laquelle il y avait un certain nombre de logiciels libres sélectionnés, oui. Et qui permettait de se lancer sans avoir à les installer. Enfin, on lançait ces programmes à partir d'une clé sans les installer sur un ordinateur. Oui. Aujourd'hui, ça a plus de sens parce que tous les services sont en fait accessibles en ligne. D'accord. Donc il n'y a plus cette pertinence à fournir ces clés. Et en fait, on vendait les clés, c'est-à-dire qu'on les vendait le coût matériel. Oui. Mais on ne vendait pas le temps d'installation. Enfin, voilà, c'était du coup... c'était juste pour rentrer, on va dire, équilibrer nos finances entre l'investissement qu'il y avait à acheter tout simplement le matériel pour mettre ces logiciels dessus. Et est-ce que... parce que, alors, bien souvent, dans le mouvement... du libre, hein, chez les libristes, il y a une certaine réticence à la gratuité. J'ai souvent entendu ça, hein, personnellement. Déjà, c'est un peu une des premières choses qu'on va nous dire. Attention, c'est libre, c'est pas gratuit. Est-ce que aussi il y a un engagement par rapport à ça, au-delà de l'autonomie, hein, c'est de dire bon, il y a quand même cet aspect-là dans le logiciel libre qui est pas négligeable, quoi, qui est important. En fait, je pense que ce sur quoi la communauté libriste en général insiste, c'est sur le fait qu'il ne faut pas dire un logiciel libre est forcément un logiciel gratuit. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une, il n'y a pas de cause et de conséquence. Ce n'est pas parce qu'un logiciel est libre qu'il est gratuit. Le fait de fournir gratuitement un logiciel, et en fait, il n'y a pas de gratuité. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans le don, il n'y a pas de gratuité. C'est-à-dire qu'à un moment, si personne nous donne de l'argent, on ne peut pas les fournir, ces services. Donc il y a quand même un modèle économique. Il y a un coût, c'est dans ce tous que... les cas. Ouais. Voilà. D'accord. Il y a des coûts, voilà, il y a des coûts humains, il y a des coûts. Là, quand je vous dis, on a 53 serveurs physiques. Vous imaginez le coût de ce que ça coûte tous les ans, en fait. Voilà, ouais, on a 134 ouais. noms de domaine, il faut qu'on les achète. Enfin, voilà, alors, ça coûte pas grand-chose un nom de domaine, mais cumulé, ça finit toujours par coûter. Il y a du personnel derrière qui maintient ses services. Donc, bien sûr, tout a un coût, en fait. La gratuité n'existe pas. Le fait de ne pas payer, voilà, c'est le choix d'un modèle économique d'accès. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui payent à un moment ou à un autre, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, la gratuité telle qu'elle est présentée par les géants du web sur des services privateurs, bah, ça va être la vente d'annonces publicitaires, en grande majorité en tout cas. Oui. Voilà, la gratuité de Framasoft, elle est liée au fait qu'on est financé par des dons. Oui. Mais il n'y a pas de... Mais comme d'ailleurs chez les géants web, du coup, il n'y a pas de liaison, en tout cas, entre l'utilisation de nos services et le fait, effectivement, de donner. Voilà. Oui, oui. On peut utiliser sans donner et on peut donner sans utiliser. Ce qui est d'ailleurs le cas, je pense, d'une partie de nos donateurs et de nos donatrices qui n'utilisent pas les services qu'on fournit, mais qui soutiennent notre action. Voilà. Donc, on est sur des modèles où, en fait... on va considérer que le don est un bon moyen aussi pour nous de savoir si ce qu'on fait... Voilà, oui. Impacte la société, en tout cas voilà, les personnes auxquelles on s'adresse. Parce que si ce qu'on propose, que ce soit en termes de services ou de projets, ne convient pas à notre communauté, bah, elle arrête de nous financer. Et alors, d'une manière générale, est-ce que vous avez une idée, du coup, par exemple, du pourcentage d'utilisateurs qui vont être amenés à donner, ou c'est quelque chose de un peu non, mystérieux alors, Bah, c'est mystérieux parce qu'on ne demande pas cette info. Oui. Parce que ce serait avoir des données personnelles sur les gens. D'accord. Donc, comme notre objectif, c'est de récolter le moins de données personnelles possible, on va pas du tout poser cette question, en fait. Voilà, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qui sont les 12 000 donateurs et donatrices de cette année. Ce qu'on voit, c'est qu'ils augmentent d'une année sur l'autre. Donc, ça nous conforte dans l'idée que ce qu'on fait, a priori, intéresse et convient aux personnes qui nous financent. Mais voilà, on ne veut surtout pas savoir, en fait. Voilà, parce que ce serait avoir une information sur les personnes qui utilisent nos services. Et voilà, notre credo, c'est quand même, effectivement, de récolter le moins de données possible. D'accord. Donc c'est vraiment un engagement, ça aussi, de l'association, de ne pas rentrer dans cette économie, cette marchandisation des données, quoi. Exactement. Voilà, nos utilisateurs ne sont pas des clients ou des produits, peu importe d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Voilà, ce sont des personnes et des individus qu'on respecte. Et donc, en tant qu'utilisateur de nos services, on ne va pas considérer que ce sont des potentiels donateurs ou donatrices. Même si après on n'est pas dupes, enfin on sait très bien que si on proposait rien, personne ne nous donnerait de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a un lien évident. Oui, a priori. Voilà, il y a un lien évident. Mais d'accord. Oui. Et sur ces. Alors quand même, par rapport à. Donc venir sur un point qui m'a un peu étonné, c'est par rapport au projet dégoogleisons Internet, qui pour le coup est un engagement aussi un peu politique, on va dire. Oui, totalement, oui, bien sûr. Mais Framasoft a toujours été une association qui, alors politique au sens très large du terme, qui effectivement défendait un certain nombre de valeurs et de visions de la société, qui sont effectivement l'égalité, le respect des personnes, la lutte contre le système capitaliste, enfin la lutte, c'est le terme est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas la dénonciation du système capitaliste et des dominations que ça engendre, hein. Donc voilà, toute la lutte contre ces dominations générales, qu'elles soient techniques, économiques ou culturelles. Donc oui, derrière dégoogleisons, qui est donc une initiative qu'on a lancée en 2014, l'objectif pour Framasoft, c'est de montrer aux internautes qu'il est possible de se passer des services des gens du web, que des alternatives existent. Oui, déjà, voilà. Oui, c'est ça, c'est important. Et qu'elles soient accessibles. Ouais. C'est important d'insister sur le fait que déjà montrer que c'est possible, quoi, parce que oui, c'est ça. Voilà, on est souvent dans la même dans un manque d'information, donc on comprend mieux le rôle en termes d'éducation populaire. C'est ça, exactement. Mmh. Ouais, c'est accompagner les internautes en général, et peut-être davantage nous on passe plutôt par les organisations en fait, notre cible, même si les internautes utilisent nos services, mais voilà, on essaye que ce soit plutôt des organisations qui prennent conscience et puissent être alignées en fait, des structures qui vont avoir des valeurs qui sont assez similaires aux miennes, en tant que vision du monde, et qui souvent sont pas très alignées entre leur discours. Oui. Et les outils qu'ils utilisent pour mener ce discours ou mener les projets en lien avec ce discours. Je pense à toutes les structures en lien avec la transition écologique, par exemple. Oui, qui vont être bien sûr positionnés de manière plutôt anticapitaliste donc très pro système décroissant, et qui vont utiliser du Google et du Facebook au quotidien. Ouais. Et à un moment, on ne peut pas cracher sur le capitalisme et utiliser ces outils au quotidien. Enfin voilà, il y a une problématique d'alignement qui est assez forte, qui, je pense, est en train la prise de conscience est de plus en plus importante. Oui. Mais effectivement, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ces structures justement pour qu'elles se réalignent en fait, qu'elles utilisent des outils qui sont en phase avec leurs valeurs. Ouais, il y a un vrai travail, hein, parce que c'est vrai que j'en ai eu l'exemple tout récemment sur une liste de discussion où il était question de réseaux d'hospitalité, et il se trouve qu'il existe un groupe Facebook de réseaux d'hospitalité, et la question c'était est-ce que en fait la question est venue se poser sur un réseau d'échange, précisément sur une liste de discussion, et donc quelqu'un est venu parler du réseau Facebook. Donc du réseau qui existe sur Facebook. Donc est-ce que là il n'y a pas une incompréhension de fond, c'est-à-dire on essaie de développer des outils d'échange et on vient faire de l'appel vers un réseau privé. Voilà. Alors cela dit, je remarque quand même. Je pense que c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Enfin voilà, je veux pas défendre. Voilà, il y a aussi le fait que quand on veut diffuser un message au plus grand nombre. Très souvent, la meilleure des solutions, c'est d'utiliser les réseaux où il y a le plus grand nombre. Et je comprends très bien une association qui va avoir envie de cibler un maximum de personnes en utilisant le réseau social sur lequel il y a le plus grand nombre de personnes. Ou de multiplier d'ailleurs les réseaux sociaux. Framasoft a d'ailleurs une page Facebook, il me semble. Bien sûr, Framasoft a une page Facebook. Comment on fait pour convaincre les personnes qui sont que sur Facebook de notre discours, ça se défend. Si on n'y est pas. Voilà, donc oui, bien sûr, on passe aussi par là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient que... C'est un peu combattre le mal par le mal, quoi, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine façon. Bon, c'était pour titiller un peu... Mais voilà, c'est un moyen de communication, exclusivement. Après, en revanche, pour les outils, qui ne sont pas dédiés à la communication ou à l'interaction avec des internautes, pour le coup, là, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui qu'on ait un Google Drive. D'accord. Il n'y a absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut avoir un outil libre qui fait exactement la même chose. Les fonctionnalités seront les mêmes et il n'y a pas la problématique de trouver des gens. Enfin, voilà. Donc là, pour le coup, c'est moins compréhensible comme choix. C'est là qu'on s'aperçoit que finalement, ce que Facebook détient d'une certaine manière, c'est le réseau, quoi. C'est le réseau de relations. Quoi. C'est ce qu'on appelle l'effet de masse, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le fait qu'il y a une masse et que effectivement les gens restent sur Facebook, parce que c'est là où la majorité des personnes de leur contact, de leur réseau, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, hein, et dont des acteurs institutionnels d'ailleurs, qui essayent de faire agir les grandes institutions publiques pour aller vers ce qu'on appelle de l'interopérabilité, qui serait donc la possibilité de, quand on quitte Facebook, récupérer ces données et faire que ces données, on puisse les réintégrer dans un autre réseau social. Typiquement. Aujourd'hui, la problématique, elle est là, c'est que c'est compliqué, en fait, quand on quitte Facebook, on quitte tout. Enfin, tout ce qu'on a mis dans Facebook, on le récupère. On peut le récupérer, mais on peut pas le réutiliser ailleurs. Il faut tout reconstruire ailleurs, et ça, c'est problématique, effectivement. Est-ce que ça rejoint ce qu'on appelle la problématique de l'open data, ou c'est pas tout à fait la même chose? Non, pas du tout, non, non. Du coup, l'open data, c'est le fait de diffuser les données de manière la plus ouverte possible, mais c'est pas forcément interopérable. D'accord. C'est-à-dire c'est juste que ces données soient ouvertes et puissent être utilisées par qui le souhaite, ayant les compétences techniques pour le faire, mais pour le coup, ça génère pas forcément de l'interopérabilité. C'est-à-dire, par exemple, qu'on puisse interroger un serveur pour récolter les Alors, données. Alors, en fait, bah, aujourd'hui, l'open data est plutôt adapté aux données publiques. Voilà, oui. Puisque bon, après les données privées, il n'y a pas vraiment de raison qu'elles soient ouvertes et diffusables. Et donc il y a plusieurs lois et qui vont du coup obliger les institutions publiques et les services publics à diffuser ce qu'on appelle des jeux de données, dans lesquels voilà, il y a des données anonymisées, hein, bien sûr, quand il s'agit de données concernant les habitants, par exemple, d'une ville, qui vont vous dire, bah voilà, taux de raccordement à l'eau, j'en sais rien, etc. Enfin, on peut avoir des données sur tout, en fait, oui, à ce niveau-là. Et l'idée, c'est que ces données, en fait, elles sont diffusées sous un format qui est un format ouvert, voilà, et qui donc peut être compatible, voilà, avec plein d'outils. D'accord. Tout simplement. Ça, c'est l'interopérabilité. Non, ça c'est l'open data. C'est encore autre chose. Non, non, mais sur l'idée que ça soit compatible avec... L'interopérabilité, c'est quand les outils ou les services, du coup, intègrent la fonctionnalité de migration d'un outil vers l'autre, en fait. D'accord. Voilà. Si, par exemple, quand je vais... j'en sais rien, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple. Quand je sors de Facebook et que je vais sur Twitter, l'interopérabilité, c'est que Twitter et que Facebook me permettent du coup de récupérer mes données sous des formats ouverts, donc ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et que Twitter me permette de les réimporter. Voilà, pour vous donner un exemple. Ou, et là pour un cas qui existe, je pense aux agrégateurs de flux RSS, qui sont donc des outils qui permettent de faire de la veille, de suivre l'actualité, etc. Typiquement, aujourd'hui, je crois que quasiment tous les outils de flux RSS, qu'ils soient libres ou pas d'ailleurs, permettent l'import et l'export de fichiers dans un format qui s'appelle OPML, et ce format est un format ouvert. Ce qui veut dire que voilà, si j'ai choisi un agrégateur de flux RSS, où j'ai rentré plein de sources, je les ai rangées dans des petits dossiers, etc. Enfin voilà, j'ai structuré mon accès à l'information, mais que finalement cet agrégateur me plaît plus, et ben hop, j'exporte tout ça, je le réimporte dans un autre agrégateur. Là, j'ai une interopérabilité entre les systèmes. D'accord. Bon, on rentre dans les... Et c'est simple pour l'utilisateur. En fait, l'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible. Bon, bah merci pour cette présentation de l'association et on invite... Merci d'avoir accepté l'invitation. Et avec grand plaisir. Voilà, on invite tous les auditeurs à utiliser les outils de Framasoft, hein, qui représentent aussi, j'imagine, quand même pas mal de travail en termes de développement, de maintenance. Oui, alors il faut juste savoir que sur les 30 services qu'on propose actuellement, derrière, vu que ce sont les deux logiciels libres, c'est pas forcément nous qui développons ces logiciels. Bien sûr, l'idée c'est le commun, justement. C'est l'intérêt du commun, effectivement. Ouais. En revanche, Framasoft développe 4 logiciels, et développeur principal sur 4 logiciels qui sont Peertube, donc l'alternative à YouTube, Mobilizon, l'alternative aux événements et groupes Facebook, Framaform, qui est l'alternative au formulaire type Google Form, et Framadat, qui est l'alternative à Doodle. Voilà, ça, c'est le logiciel qui nous sommes à l'origine de leur création et nous les maintenons. Bon. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on va passer à la suite et on va attaquer sur un morceau qui s'appelle « L'histoire de la femme et son marteau » de Krapman Sacramento. Eh ben, à bientôt et merci beaucoup, Angie. Merci. Dans le fond de l'armoire se cache un joli trésor. Une femme en or et son marteau, prêt à tout défoncer le cerveau. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, avec ce marteau-là? Elle sort de la prends mon nez pour un clou. Qu'est-ce qu'elle fait là à me faire ça? À frapper juste là. Aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal comme un fromage élémental. Ça fait mal comme aller à l'hôpital. Mais moi, je reste chez moi avec toi. Mais moi, je reste chez moi avec toi. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et c'est reparti pour l'émission Entrée sans payer, l'émission où on prend le temps de ne pas payer. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que bah maintenant on va parler d'un thème vraiment très politique, d'une certaine manière, le temps. Voilà, la gratuité et le temps. Oui, alors voilà, bon bah vous vous souvenez, les émissions précédentes, on avait parlé de Mark Boyle, l'homme qui vivait sans argent. Là après on était parti sur ce livre L'ouvrière hétérosexuelle où on parlait du travail, du surtravail. Et maintenant, voilà, j'avais envie de vous parler du temps libre, en particulier, voilà, c'est le temps qui n'est pas travaillé. Donc, il n'est pas travaillé, ça veut dire que, par exemple, toutes les activités d'autoconservation, genre faire la vaisselle, faire à manger, tout ça, ce n'est pas du temps libre non plus. En effet, oui. Donc, qu'est-ce que le temps libre? Alors, j'ai eu la visite de certains amis qui participent à des Rainbow. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les Rainbow Gathering, les rassemblements Rainbow, la famille Rainbow. Donc, je les ai interrogés parce que ce sont des spécialistes du temps libre. Alors, ouais, et les Rainbow, tu peux présenter rapidement Alors oui, je peux parler, on peut parler un petit peu des Rainbow. C'est effectivement une façon d'occuper son temps libre de façon gratuite, hein, on va dire. Vous pouvez participer à un rassemblement Rainbow sans avoir d'inscription à quoi que ce soit, sans vraiment même avoir à dépenser d'argent. Il n'y a pas de condition de revenu, on va dire. Il n'y a pas de conditions de revenus, ouais, il y en a certains qui vont dire, jusqu'à dire que bon ben le Rainbow c'est un rassemblement de gens qui peuvent pas se permettre d'acheter de billets et où les musiciens ne se montrent pas. Tout le monde est musicien. Voilà. Donc un festival, ouais, voilà, c'est un festival. Ouais, un rassemblement évidemment de non professionnels, quoi, où chacun est acteur et spectateur, quoi. En quelque sorte, oui, ouais. Bien qu'il y a quand même une organisation derrière, un peu ésotérique. Oui. Ouais, bon, il y a une connotation un peu New Age. Vous pouvez voir ça quand même. Hein. Mais c'est quand même sympathique, hein, vous pouvez passer du bon temps, du temps libre, c'est-à-dire en fait un temps, on va dire, où le mental s'en va, voilà. Oui. Le mental n'est pas occupé, vous pouvez faire face à l'imprévisible, vous êtes dans une situation où l'inspiration va arriver, où le temps va être métamorphosable, voilà. Ce qu'on peut dire un peu sur le temps libre chose que vous pouvez vivre dans un festival Rainbow puisque vous êtes quand même coupé d'une certaine façon de la société, ouais. En pleine nature avec un genre de régression primaire, on va dire. Mmh. Voilà, vous vous occupez de dormir, de manger et de faire la fête. La belle vie. Non, c'est vrai, personnellement, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois très, très brièvement, mais moi, ça m'avait impressionné, cette impression de se retrouver dans un endroit qui est vraiment hors du temps, justement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, quoi ? Qu'est-ce que c'est être hors du temps ? C'est ça aussi qui est intéressant. Et d'une certaine manière, dans un autre espace, quoi. Enfin, parce que... Enfin, on sait bien que l'espace a ses contraintes. Hein. On est quand même, il y a la gravité, non, ça, elle est toujours là. mais vraiment, ça donne cette impression de, effectivement. Alors peut-être que le temps s'écoule de la même manière, hein, mais. Ouais. On revient après à l'histoire de l'opposition entre temps libre et temps travaillé. Hein. Mmh. Dans le Rainbow, vous avez quand même, bon, vous pouvez participer à des tâches pour réaliser les repas, etc. D'accord, donc c'est pas absent, quoi, quand même. C'est pas absent, quand même. On peut pas. Est-ce que c'est perçu vraiment comme une contrainte, du coup? Non, ouais. C'est complètement libre. Vous pouvez participer ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Personne va venir dire, toi, tu fais ci, fais ça. Voilà. Réveille-toi à telle heure ou. C'est non directif. C'est non directif, tout à fait, ouais. Mm. Donc en ça, je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà, si on part après dans le côté politique, je veux dire, de l'histoire du temps libre, le temps libre, voilà, il y a le... Comment dire aujourd'hui, on a une falsification du temps libre en chômage. Ceci est créé par les gouvernements et leurs domestiques. Hein. Mm. Avant, il y avait l'absentéisme. Si on regarde les chiffres, à l'époque où il n'y avait pas de chômage, on pouvait constater qu'il y avait beaucoup d'absentéisme. Ah oui, intéressant. Mm. Donc, on va dire que si l'absentéisme remontait, c'est-à-dire que si les salariés diminuaient unilatéralement leur temps de travail, le chômage pourrait redescendre. Absentéisme et chômage sont les deux faces capitalistes du non-travail. Le premier relève de la décision des salariés. Il est une reprise sur l'extorsion de plus-value et a pour corollaire le plein emploi. Oui. Le deuxième procède de la contre-offensive patronale pour asservir et utiliser le non-travail. Mmh. Alors que l'absentéisme manifeste une double indiscipline par rapport au patriotisme d'entreprise et par rapport à la camaraderie du travail, le chômage est un enrégimentement, non seulement dans la fameuse armée industrielle de réserve, mais aussi dans la police autorépressive du prolétariat. C'est un extrait de L'ouvrier hétérosexuel. C'est bien dit. Et puis on perçoit derrière aussi l'idéologie qu'il y a derrière le chômage, à savoir cette idée de négativiser d'une manière générale le chômage, d'en faire quelque chose. Voilà. Alors, ouais. Ivan Illich parlait en contraste avec ça du chômage créateur, c'est-à-dire d'un chômage qui au contraire pourrait être positivé. Qui serait une porte de sortie, hein, contre justement cet asservissement du travail et cet asservissement du temps libre aussi. Puisque maintenant vous êtes au chômage, on vous demande de faire des démarches à droite, à gauche, de justifier de démarches infructueuses. C'est dramatique. Bon, enfin. Voilà, et bien... nous devons être persuadés que la nature du vrai est de percer quand son temps est venu. Un jour, on pourra sortir de... Bon, ça se discute pas. Ça se discute. Peut-être que le vrai, on le trouvera jamais. Non, parce que aussi, par là, on peut se poser la question de l'idéologie, hein, savoir aussi. Peut-être que aujourd'hui, quand on veut parler d'une autre forme de chômage, d'un chômage libérateur, on se heurte quelque part à une autre vérité qui voudrait s'imposer, quoi, hein, qui voudrait dire ouais. La seule voie de salut, entre guillemets, c'est celle du travail, quoi. Et alors, c'est Rainbow, quelque chose de vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Il constitue vraiment une expérience. Et en ce sens-là, moi, je les rapprocherais des espaces de gratuité en général. Bon, sachant que le Rainbow est un espace de gratuité. Tout à fait. Et c'est des forces de rupture, quoi. Ça amène à reconsidérer plein de représentations qu'on a. Bien sûr, ouais, je connais des personnes qui sont arrivées. Pour la première cravate. Ouais, dans un Rainbow et qui ont abandonné leur travail après. Et... C'est vrai? Oui. Ça existe, j'en connais un, ouais. C'est un bon remède. Donc... Voilà, ouais. Non, puis alors, moi, ce que j'avais trouvé aussi génial, c'est. Alors, justement, quand je parle de costard cravate, parce que quelque part, c'est un endroit où on peut aller aussi bien à poil qu'en costard cravate. Oui. Ça, c'est quand même. C'est quand même fort, voilà. Alors, peut-être qu'il y aura du jugement, je sais pas. Peut-être qu'il y aura du jugement. Mais en tout cas, on peut le faire, quoi. Personne ne vous sautera dessus pour ça. D'accord. Si on vient en costard cravate, il faudrait essayer. est-ce que tu as eu l'occasion de voir des non des VRP quoi qui viennent essayer de vendre des produits dans un Rainbow? Non. Ouais, non, c'est un espace non marchand, effectivement, il n'y a rien à vendre dans un Rainbow, ouais. Ouais. Je crois, de mémoire, oui, il y a des espaces de troc, il y a des espaces de troc, peut-être, c'est possible, j'ai pas trop fait attention, mais bon, voilà, il y a... Si vous perdez une affaire, bon, vous allez pouvoir éventuellement la retrouver dans un tas, là, d'affaires... qui sont là, bon, peut-être pas une mini zone de gratuité, quoi. Ouais, une mini zone de gratuité, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, peut-être qu'ils vont laisser des affaires et partir plus léger, quoi, en fait. Ouais. Hein. Et alors, juste un mot sur le fonctionnement, du coup, le principe du Rainbow, c'est qu'on peut venir aussi proposer des ateliers gratuits. Donc. Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a des animations quand même. Bon, les gens, c'est un espace d'expression. Hein. Voilà, vous pouvez faire participer à des cercles de parole, des cercles de musique, de danse, de yoga. Il y a un tas d'ateliers comme ça dans la journée. Et est-ce qu'il y a des horaires pour ça, ou justement, ça reste sur un temps très flou? Ça se lance un petit peu au feeling. Ouais, tout à fait, ouais. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de montre, d'horloge. Le seul rythme qu'il y a, on va dire, c'est le rythme des repas. Donc vous avez des gens qui vont taper sur une casserole pour vous encourager les gens à venir participer à la préparation du repas. Et puis, voilà, ça va avoir des appels à l'aide qui vont... retentir de groupe en groupe, amplifié par l'écho de la montagne. D'accord. Non, il n'y a pas à dire, ça donne envie. Voilà, c'est quand même super qu'il y ait ces espaces de liberté encore aujourd'hui. Passer deux semaines dans un camp Rainbow, c'est une cure de liberté, on va dire. Ouais. Peut-être même liberté aussi dans la pensée, quoi. J'imagine, enfin, qu'il y a tout type de pensées qui circulent, de croyances. Enfin, là, c'est le festival. Oui. Donc c'est intéressant aussi de voir que parce que a priori, il n'y a pas vraiment de troubles, on va dire. Enfin, ça se passe bien, quoi, l'ambiance. Tout à fait, ouais. C'est organisé pour que ça se passe dans la non-violence. Les gens sont... Il y a des gens qui participent à ces rassemblements depuis des années et qui ont leur routine, voilà, pour faire en sorte que ça se passe... selon quelques règles, voilà, comme, entre autres, la non-violence. J'ai vu des incidents qui auraient pu tourner de façon un peu dramatique, en fait, qui se sont réglés sans coup férir, on va dire. Bien que ce soit exceptionnel, il m'a semblé, bon. Ouais, c'est un espace de loisirs d'été à explorer. Ouais, il y a des gens qui passent leur vie là-dedans. Ouais, vraiment, qui vont de rainbow en rainbow. Ouais, qui sont vraiment engagés dans ce mouvement-là. Mouvement qui est plus ou moins international. Ouais, vous le trouvez aux États-Unis, en Europe. Essentiellement, ouais. Alors, à son avis, qu'est-ce que ça dit politiquement ces rassemblements, enfin, ce qu'on est... Ah ouais, politiquement. Politiquement, on va dire, je dirais, c'est relié au mouvement hippie, hein. Mouvement hippie, retour à la nature, connexion avec, disons, les peuples autochtones aussi d'Amérique, parce que ça vient des États-Unis, hein. Les Indiens, tout ça. Un peu cette façon de vivre, quoi, dans des tipis, des tentes, rassemblement de tribus. C'est un peu, on va dire, un peu régressif, hein, mais c'est sympa à vivre. Hein, ouais. Oui, puis aussi, alors ça, moi j'ai l'impression que politiquement ça rentre aussi dans le cadre de la non-violence, enfin au-delà du fonctionnement interne, parce que c'est aussi une manière de faire une forme de démonstration de la viabilité et de l'intérêt qu'il y a à faire des rassemblements gratuits sur mais en se basant sur la participation ou sur l'exemple, enfin, c'est-à-dire finalement le seul moyen quelque part d'être convaincu par un rainbow, c'est d'y aller, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je pense que ouais. Sinon, ça reste quelque chose, justement, de partager le temps. Voilà, tout est une question de pratique. Hein. Oui. Ouais. Non, ça me faisait penser aussi vraiment sur la question du temps. C'est que j'ai l'impression que c'est quand même une autre manière d'appréhender le temps, quoi. Enfin, aujourd'hui, on est dans une société où le temps marchand, justement, est hyper concentré, quoi. On veut toujours. Il faut travailler toujours plus vite, on a de plus en plus de sollicitations. Alors, je ne parle même pas des smartphones qui complètement dévoré notre temps, et notamment le temps de loisir, puisque celui-ci vient à être marchandisé à travers ce qu'on parlait tout à l'heure, aussi les GAFAM, hein, qui vont utiliser notre temps libre. C'est là, d'où l'intérêt aussi des initiatives comme Framasoft, qui permettent de libérer ce temps libre aussi à leur manière. Voilà. Alors, à travers le numérique, là, ce qui n'est pas vraiment le cas des Rainbow, j'imagine, mais... On pourrait dire, faites attention à votre temps libre, considérez-le avec diligence. Voilà, c'est un espace à protéger, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on termine là-dessus et on se retrouve la prochaine fois, le mois prochain, un mardi, voilà. On va terminer sur un morceau de Merci Merci, hein, qui s'appelle Pénétration politique et qui est tiré de l'album 10 minutes. À très bientôt sur Entrée sans payer. Merci à Radio Balade. Ciao, ciao. Pas du tout. Vous avez une solution? Oh, moi pas du tout, ma belle. Si j'en avais... j'ai aucune... Vous avez une solution ? Oh, moi, pas du tout, ma belle. Si j'en ai... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Je sais pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution ? Oh, moi, pas du tout, ma belle. Si j'en ai... J'ai vous aucune... avez une solution ? Oh, moi, pas du tout, ma belle. Si j'en ai... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Je sais pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution ? Oh, moi, pas du tout, ma belle. Si j'en ai... Pas du tout. J'ai vous aucune... avez une solution ? Oh, moi, pas du tout, ma belle. Si j'en avais eu, si j'en avais une, je serais président de la République.